La direction européenne de l'Alliance Pan Nationale pour la Réunification de la Patrie et le Conseil de coopération des Coréens en Allemagne ont publié le 1er juillet un appel conjoint en faveur du projet du gouvernement, des partis politiques et des formations coréens sur l'ouverture d'une conférence conjointe Pan Nationale pour la Réunification à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie.